Analyse du 24 septembre 2022, Thierry Pirlot, Sherpa One. L'énigme, Ronald Bernard. Ronald Bernard s'avère être une énigme dans le milieu du complotisme. En 2017, j'ai vu la vidéo en entier du témoignage de Ronald Bernard, une vidéo qui dure plus d'une heure. Je n'ai jamais douté un instant de sa véracité pour la bonne et simple raison que j'ai vu et écouté bien pire depuis. Et quand je dis bien pire, dites-vous qu'à côté, le récit de Ronald Bernard est un conte de Noël pour enfants. Bernard est hollandais et c'est un ancien insider de la haute finance. En 2017, il fait des confessions à une journaliste de la TV néerlandaise. Très vite, la vidéo complète fait le tour de la complosphère, à une époque où l'on parle de plus en plus de l'affaire Pizzagate autour des Clinton. Le scandale de Pizzagate provient des codes désignant des enfants dans les mails de Podesta. À l'époque, il fut lui aussi tourné en dérision, tout comme l'affaire du portable de Hunter Biden, qui a explosé début 2022 grâce au travail de lanceurs d'alerte. En août 2020, est paru un article mainstream très long et très poussé pour démonter un à un les arguments de Bernard, afin de le faire passer pour un affabulateur pédophile. Le journaliste dresse d'ailleurs un tableau sans concession et parsemé de partis pris et d'affirmations gratuites, se posant même la question « Pourquoi Ronald Bernard est-il toujours en vie, si son récit était vrai ?» Je vous propose de lire cet article avant ou après visionnage de la vidéo, selon que vous vouliez ou non être influencé par l'article lui-même. Le lien se trouve dans les commentaires. Coup de théâtre. En octobre 2020, soit 2 mois après cet article, Ronald Bernard est assassiné aux États-Unis et son corps retrouvé dans une forêt avoisinante de son habitation. D'après la police du comté, Ronald Bernard aurait été le gibier dans ce qui semblait être une chasse à l'homme dans le cadre de représailles. On aurait pu imaginer le journaliste renchérir sur un probable suicide, mais il n'en fut rien. Vous allez très vite comprendre que cet homme n'était ni un mythomane, ni un affabulateur, mais un homme qui dénonçait ce que 95% de la population n'est toujours pas prête à entendre, et encore moins à accepter. Ce que vous allez comprendre fait partie du grand réveil. Et le sort des enfants dans le monde sera la grenade qui va exploser pour le déclencher. Que vous les vouliez ou non. Mieux vaut donc prendre un peu d'avance et se préparer à ce qui s'en vient. Car ce sera pour le commun des mortels dévastateur. Depuis, Ronald Bernard a refait bizarrement surface via un compte Facebook en 2022, donnant à croire qu'il est toujours vivant. Des moins protégés de l'Alliance? Qui sait? Sherpa One.